terre brûle. Les cendres s'élèvent. Chaque mot tombe. Chaque souffle s'achève. Riser's Kill murmure. Son nom s'impose. La foule succombe. La ruine explose. Ton nom s'écrit dans la poussière. Chaque phrase consume la lumière. Souffle rampe comme poison. Chaque mot frappe, scelle ma prison. Riders Kill charme, ses murmures serrés. La foule s'effondre, happée, figée. Ton nom résonne dans mes veines. Chaque mot nourrit, chaque cri enchaîne. Je répète ta voix dans la nuit. Chaque syllabe consume l'esprit. Le vent toxique me ronge la peau. Chaque mot pèse, chaque souffle est fardeau. Riders Kill règne, sa voix m'obsède. La foule succombe, happée, possédée. Shadows fall. consuming all. Chaque souffle tombe, chaque cri résiste. Riders Kill Charme, son nom demeure. Le monde s'écroule, guidé par son ardeur. Chaque mot pourri dans la lumière. Obsession règne, fièvre nucléaire.